Okay, you don't know. What we tell them again? Je veux que t'appelles tout ça. Je veux que t'appelles tout ça et tu me dis, je veux deux bouteilles de rhum, deux bouteilles de vodka, deux bouteilles de tequila. Je veux deux caisses de 24 de Corona. Je veux dire Heineken, yo. Petit papier à rouler, yo. Des capotes, mais j'en fous. Ça demande généralement avec un verre. Réunion de poteau, c'est qui est la bouteille? Le Zegmac, un peu de matos. C'est samedi soir avant le club. Un peu la grison, ouais, sur un fond noir d'or. C'est qui est down avec le mouvement open bar? Let's go. Free ride, on est tous chez le mec, y'a rien que des bros. C'est Vivien, fuck that, on s'apprête, on veut pas. Et pour l'instant, je pense pas. Si au bar, on est tous là. Pas compatible, le refil de cocaïne. Check son bras arrivé avec son petit poignol. Et l'autre grande gueule, mec, fuck, qui sort là. Y'a des femmes sur le job. Rendez-vous à l'open bar. Rendez-vous à l'open bar. Oh yeah. Rendez-vous les superstars. Oh yeah. Si t'es bien pour faire la fête avec les têtes ce soir. Hey, yo, come on yo. Rendez-vous à l'open bar. Oui, avec pas tant que fait des vibes. Oui, in the place, I just party all night. Tell yourself that we are one to make you feel right. You are happy life. You keep the low time. We are people tant que fait des vibes. I just party all right. This is who we are, but need to make you feel right. No one's there, boy. Again, me have been mentioned all night long. That's how we intention. A higher, higher level, another dimension. Now we have the plan on the culture connection. Done, galang, galang, when you are with body. Girl, in my bubble and I walk like a champion. If you have fashion, passion, can't rush on. If you love me, sing me one, then hold up and I wanna sing along. We have been passing, forget the vibe life. I just party all night. And it's just so we have money to make you feel right. Ganja of the light, keep the mood high. We have a pattern, we get the vibe life. We in the place, I just party all night. And it's just so we have money to make you feel right. Ganja of the light, keep the mood high. J'entre dans la place, ces jeunes dames connaissent tous mon style et ma face. Des sapins pour gros pour que je les ébatte, je les écrase. Comme 15 dans mes coco bars, tous saoulés. Maintenant c'est temps de se retrouver sur la piste de danse pour te faire bouger et danser jusqu'à temps qu'on se mette à tripper et même gripper. On se mette à fumer, 10h du mat, viens, on voit que ces jeunes dames slipper. Et Riri, c'est toi mon préféré. A chaque soir, la même histoire, quand on se met tous à boire. Il faut le voir pour le croire, frère. Des fois, c'est l'enfer. Alors, je m'évade en haut pour boire un autre verre. Intoxiqué, maintenant, je sais plus quoi faire. Attends, j'observe une jeune dame par là qui sait bien me plaire. J'ai rien à perdre, tellement qu'elle était superbe. Nadia Grom, bref, style une jeune bombe serbe. Style mamie, c'était ma partenaire de nuit. Autour de moi, je vois des gars et ça sent l'envie. Et quand c'est fini, on part tous en taxi. Les architectes et vestis, cousins, dis-leur comment on vit. Comment? We have a pattern, we get the vibe line. When we in the place, I just party all night. And it is just who we have on it to make you feel right. Ganja of the light, keep the mood high. We have a pattern, we get the vibe line. When we in the place, I just party all night. And it is just who we have on it to make you feel right. No more star boys. See when me step up in the place about 12:30. Just put a blunt so me feel kinda thirsty. Okay, ready to get flirty. When I saw me sign, I know me mind it. Culture connection, pun and flow, man. Okay, ayo, Ray, Strat, big up yourself, man. This is Feisty, original. Yo, Montreal, big up yourself. You're large, just blazing, that's right.